都係佢啦。 Il y a des fois où des bombes de terre font ah ah ah ah. Il y a des fois où des bombes de terre font mais aussi. Il y a des fois où des bombes de terre font J'ai libéré une place, soyez contents. Toutes les gens ici à Chaudland, bien sûr, sans qui je n'aurais jamais enregistré quelques chansons, et beaucoup des autres qui ne sont jamais sortis. Et voilà, bien merci beaucoup. Merci à le vent. Le vent, beaucoup de vent, merci bien, il fait bouger le temps, et ça c'est hyper chouette. Et ouais. Cool. Je vais jouer une dernière chanson. Oui, c'est l'avant-dernière. Mais j'ai trop d'adrénaline, donc je parle un peu trop. Et cette chanson, c'est peut-être... j'ai besoin d'un peu d'aide aussi. Il faut que je réfléchisse un peu, donc si vous pouvez oui, sortir et reviens dans quelques minutes, je vais regarder la glace et toi parler avec ma maman, les trucs comme ça, normal. Marie, corps des Bruxellois de tambour. Dernière chanson, donc ça c'est la après dernière chanson que je peux jouer parce que j'avais joué déjà la avant-dernière, avant la dernière. Merci beaucoup.